Ah bah j'aime bien, il se dit bonjour à lui tout seul. Il est bien. Il est bien, ce jeune homme. Hi, Flip. C'est la malheur. Oh, malheur. 20 degrés. Mais c'est 20 degrés plateau, donc ça fait 10 degrés. Mais 10 degrés pour une bière, c'est déjà beaucoup. Je sais jouer de la trompette. Hein. Oh my god. Sorry. Hey, elle est bien au micro là, tu me sens toute seule là. C'est sûr que tu te marres derrière. Je t'entends pas, ça m'énerve. I'm not afraid to die. Thank you.

spring. We'll be right back.